La délégation de la Cour centrale conduite par son directeur adjoint Lee Myung-nam a quitté le 30 septembre Pyongyang par avion pour participer au forum juridique international prévu à Vladivostok, Russie.